Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça va ou quoi ? Ben, ou quoi quoi ? Ben, ça va ou... Ben, comment ça va, quoi ? Ça va pas mal. J'ai passé ma nuit à bourrer des urnes et du coup, j'ai fait le plein des voix. Mais bon, revenons plutôt à la clinique de la Forêt Noire, là. Et dites-nous, professeur Mauduit, quel est notre patient ce matin ? Eh bien, pour ce dossier Epsilon numéro 13, professeur Colin, je vous garantis grave qu'on va avoir la banane. Banane ? Plantain, si je plante un clou, c'est avec du vis. Clovis, on reçoit Clovis. Oh là là, c'est la mer à boire ce dossier. Mais non, Clovis, c'est le mérovingien. Puis surtout, c'est pas du tout lui qu'on reçoit ce matin. Allez, comme d'habitude, professeur Colin, je vous la fais en trois briques. Écoutez bien, tonte. Tonte, mouton, panurge, Rabelais. François Rabelais, c'est ça ? Pas du tout rien à voir, écoutez bien. Deuxième brique, bille. Bille, roule ta bille. Mais non, pas du tout, concentrez-vous. Croule. Tonte, bille, croule. Non mais attendez, là c'est vous qui êtes de plus en plus dingue. Tonte, bille, croule. Enfin bon, allons-y, professeur Mauduit, étudions le dossier du King déhanché. Rebuez votre Graceland, les internes. Apportez au labo le dossier de monsieur Elvis Presley. Allez Elvis, à table. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Eh ben voilà. À peine il arrive, l'autre, et qu'est-ce qu'il fait ? Il frime. Love me tender, et gna gna gna, je roule des pelles sur la banquette de la Cadillac. Eh oh ! On va se calmer, Elvis, hein ? Ici, t'es pas à Vegas, pépère. Au ministère psychique, on te chope la jugulaire et on ne te lâche plus ! Alors déjà, tu baisses d'un ton, et ensuite, tu écoutes ce qui tourne boule le professeur Mauduit dans ton foutu dossier psychique. D'ailleurs, que dire, cher confrère ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, nous allons nous escagasser les neurones avec Elvis Presley. Car il s'agit là d'un cas clinique unique. Et en effet, comment expliquer qu'aujourd'hui encore, sur la Ramblas de Barcelone, par exemple, tous les jours, des sosies grotesques d'Elvis se trémoussent pour amuser les touristes ? Comment expliquer également que ce plouc du Mississippi génère encore 50 millions de dollars par an, alors qu'il est six feet under depuis 30 piges ? D'autant qu'en réalité, franchement, Elvis... Elvis Presley a davantage, au premier abord, l'air d'un toucheur de bœufs de Chicago que d'un séducteur, d'un jeune premier romantique. Il n'est pas beau, il a un gros visage, il a des yeux trop rapprochés du nez, un nez droit, une bouche sensuelle mais trop petite, un front bas, des pattes comme les mauvais garçons de l'époque 1900. Il déçoit donc physiquement, mais il y a sa guitare et puis il y a la voix d'Elvis Presley. Eh bien, la voix est d'ailleurs très belle, elle est très bien conduite, à la fois profonde et légère, avec déjà quantité de trucs qui font se demander si Elvis Presley tiendra le coup comme Sinatra. On peut dire qu'Elvis, c'est l'hystérie rythmée. Ah, ben là, forcément, hein. Confronté aux subtiles analyses de Madame Dubreuil, on fait moins le malin, Elvis, hein, avec ton physique de toucheur de bœuf de Chicago, là. Enfin bon, ne bradons pas le costard du King avant de l'avoir dézingué, et redevenons raisonnables pour établir ensemble ce matin un authentique diagnostic non négociable afin de savoir si, oui ou non, les méandres psychologiques d'Elvis Presley recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte le son, mon ami, et sois le bienvenu. C'est la panique ? Alors amorçons ensemble un déhanché diabolique, la marque de fabrique de ce pensionnaire du ministère psychique. Hey baby, I ain't asking what you. Just a bigger, bigger, bigger hunger, love. How will you do? Don't be a stingy little mama. You're about to starve me half to death. Now you could spare a kiss or two and still have many left on the bay. No, no, no, no, no, no. I ain't asking much of you. No, no, no, no, no, no. Just a bigger, bigger, bigger hunger, love. How will you do? Le corps, il est le point zéro du monde. Là où les chemins et les espaces viennent se croiser, il est au cœur du monde, ce petit noyau utopique, à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place, et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine. Mon corps, il est comme la cité du soleil, il n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques. Avant tout, le ministère psychique remercie de tout corps et de tout cœur le professeur Michel Foucault pour son introduction corporelle à notre patient du jour, le roi du déhanchement sans aucune endoprothèse de l'articulation coxo-fémorale, à savoir Elvis Presley, bien sûr. Et pour commencer nos investigations dans les tréfonds de l'inconscient, le ministère psychique a voulu retrouver dans les expériences de vie du petit Elvis Aaron tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychotiques profondes. Oui, mon ami, quelle est la construction de l'architecture mentale du mythe presleyien ? En effet, comment comprendre l'architecture mentale d'Elvis Presley, qui ne fut qu'un homme, certes, mais qui fut pour certains plus qu'un dieu ? Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans l'état du Mississippi. Issu d'une famille très modeste, adolescent, Elvis accumula les petits boulots avant de se lancer dans la chanson, sans doute pour beugler sa soif de reconnaissance. Et comme souvent dans la vie, pour réussir, il faut en plus de la volonté et du travail avoir la chance de faire des rencontres opportunes. Eh bien, la baraka pour Elvis, en 1955, c'est de croiser Thomas Andrew Parker, alias le redoutable colonel Parker. Tu veux qu'on chante tous les deux ? Tous les deux ou seuls, ça dépasse à l'important. On engage d'autres partenaires et on monte notre propre numéro. On se met dans le circuit et ça roule. Mais comment je ferai pour les engagements et le reste ? Laisse-moi m'occuper de ça et tu verras que ça ira. Tiens, J'ai préparé un contrat pour nous. Nous partagerons tous nos gains par moitié. Allez, mon vieux, assiette, cette fois-là. Et signe ici. Comment se fait-il que tu veux me donner 50% de tes gains? Étant donné que tu es le seul à avoir de l'expérience dans ce métier. Pour une simple raison. J'ai confiance dans tes possibilités. D'accord, tu ne te chanceras pas aussi bien que moi. Mais avec de la technique, tu t'en sortiras sûrement. Par ailleurs, j'ai besoin d'un jeune parce que ça plaira aux jeunes. Je m'alignerai sur toi, mon vieux. Toi, tout seul, tu serais un agneau au milieu d'une meute de loups. Allez, signe. Oui, le colonel Parker a visé juste en misant sur Elvis. Mais l'inverse est tout aussi vrai, car les deux talents se complètent. En effet, Elvis a tout du chanteur qui fait fureur, et le colonel Parker est un génie de la communication. Ainsi, il donne à l'idole du moment de très précieux conseils pour construire son look, et notamment pour sa coiffure. J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananas, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananas, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Eh oui, Elvis, que l'on surnomme déjà Pelvis, pour pointer du doigt son déhanché, sait très bien qu'il n'y a pas d'os dedans. Au milieu des années 50, Elvis Presley, très proche de sa mère, trouve un nouveau père avec son manager, le colonel Parker. La vie que mène le jeune homme devient alors hallucinante, une course folle sous les cris des groupies, ce qui inquiète un peu Monsieur Presley père. Notre fils unique, il a sur lui des armes prohibées, conduit à 100 à l'heure, il porte des vêtements visiblement conçus par des homosexuels. Mais il n'est pas dupe de ces mirages, Jésus vit toujours dans son cœur. Papa, maman, je sais plus où mettre, barrez-vous, merde. J'ai bientôt 17 ans, je veux vivre. Je veux vivre, c'est ce que réclame haut et fort Elvis Presley, déjà une star quand en 1958, il est appelé par l'US Army pour effectuer son service militaire. Le King est donc envoyé comme troufion en Allemagne, là où d'ailleurs il rencontre sur une base militaire Priscilla Beaulieu, sa future femme. Mais le soldat Presley est pressé de retrouver les States pour s'offrir à nouveau à ses fans, après la démobilisation bien sûr. Eh bien, je crois que la démobilisation d'Elvis Presley fut pour les Américains un événement encore plus important que l'élection du président Kennedy. À vrai dire, Elvis Presley étant démobilisé, quitte assez vite l'uniforme, étant à Hawaï, le short lui convient mieux, ce qui nous permet de contempler longuement sa musculature dodue. Le soldat Elvis, enfin démobilisé, retrouve avec nostalgie son pays, ses fans et sa famille. Mais hélas, sans Gladys, sa mère décédée. Le service militaire et cette disparition sont une véritable rupture dans la carrière d'Elvis, qui rentre chez lui à Graceland avec le cœur bien lourd. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait. Sur la route de Memphis, et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Eh oui, après avoir connu un succès fulgurant, au-delà de l'imaginable, et après avoir déclenché les passions, ce n'est plus le même homme qui revient à Memphis. L'architecture mentale d'Elvis se construit donc dans ses années 50, et la suite de sa carrière, entre tristes déchéances boulimiques et intenses retours inespérés, n'est plus vraiment à l'image de ses débuts. Elvis enchaîne les nanars au cinéma et devient peu à peu une fantastique bête de foire qui fascine et qui intrigue jusqu'au 16 août 1977. Elvis Presley est mort à l'hôpital de Memphis. Il avait 42 ans. Je voudrais simplement préciser que les obsèques d'Elvis Presley seront célébrées demain dans sa résidence de Memphis. Des centaines d'Américains ont téléphoné aujourd'hui à la Maison Blanche pour demander que le président Carter décrète une journée de deuil national. Depuis Kennedy, ont-ils dit, jamais les Américains n'ont été aussi émus par la mort d'une personnalité publique. Plus discrètes, mais tout aussi sincères, ont été les réactions de tristesse à l'annonce de la mort du fantaisiste Roger Nicolas. Victime lui aussi d'une crise cardiaque, Roger Nicolas est mort hier à l'âge de 57 ans. Depuis de longues années, il était un humoriste apprécié du public français avec ses petites histoires qui commençaient toujours par « écoute, écoute ». Écoute, écoute, la mort de l'inénarrable Roger Nicolas a été, il est vrai, quelque peu éclipsée par la disparition d'Elvis. Mais ce que l'on ne dit jamais, c'est que Roger Nicolas serait toujours en vie, dis donc. Quelque part, et qu'il se déhanche au son du rock endiablé de son pote Elvis. Enfin, attention, parce que certains jours, ben, la vie n'est pas facile pour ce compagnon d'Elvis, puisqu'on le sait maintenant, avec le King, ce ne fut pas tous les jours strass et paillettes. En direct de l'étranger, ce soir, la fin d'un mythe et d'une légende, la vie cachée d'Elvis Presley, au risque de beaucoup choquer les adorateurs du roi du rock, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Notre correspondant aux États-Unis, Claude Mazot, a enquêté sur les dernières années d'Elvis, et surtout, il a lu le dernier livre paru sur le chanteur. Le résultat n'est pas très romantique, mais après tout, ça n'enlève rien au talent du King. Ainsi, le beau jeune homme à la guitare des années 50, qui était devenu ce gros chanteur chamarré des années 70, ce symbole sexuel de l'Amérique d'après-guerre, devenu en deux décennies aussi boursouflé qu'un dindon qu'on engraisse, était un triste sire, si l'on en croit la biographie qu'Albert Goldman vient de lui consacrer. À la fin de sa vie, il avalait 20 cachets par jour pour dormir, pour se réveiller, pour se lever, pour chanter. Il était parfois tellement abruti qu'il tombait raide comme une masse de 130 kilos et un soir, il a même failli mourir noyé dans son bol de soupe. Il aurait sans doute été le premier à périr de la sorte. Presley et les femmes, un chapitre dément. Il lui en fallait toujours de plus en plus jeune, de plus en plus dévoué. Il les épousait souvent avant de les battre, de leur tirer dessus à la carabine, ou même parfois de les accrocher par la fenêtre au 50e étage. Aucune d'elles n'a de rancune, paraît-il. Il avait tellement de charme. Oui, comme disait Elvis, don't be cruel. Don't be cruel, avant que tout s'écroule. C'est un peu tout ça qui fait le King. Une aura inaltérable, un charisme fascinant, avec parfois un peu de ridicule et souvent beaucoup d'excès. Alors maintenant, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc, comme cela avait déjà été dénoncé dans l'Amérique puritaine, que le comportement de M. Elvis Presley est une réelle menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait, pour ainsi dire, obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Bien, professeur Collin, je me suis évidemment déhanché sur ce dossier, le dossier Presley, je vous le confirme. Elvis est une pierre angulaire dans la construction mythologique de la civilisation des États-Unis. Sans doute autant, si ce n'est plus, que les puritains du Mayflower, que les pionniers à la conquête de l'Ouest, ou encore plus près de nous que le tour de poitrine de Jane Mansfield, cette icône à deux cônes dont tout le monde voulait faire la conquête et qui fut playmate pour Playboy en 1955. Et en 1955, justement, ce n'est pas un hasard, paraît triste tropique. Cet ouvrage majeur de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui fête cette semaine ses 100 ans. Happy birthday, Mr. Anthropologue. D'ailleurs, c'est une évidence. Mais pour comprendre Elvis Presley, il faut relire Claude Lévi-Strauss, le grand spécialiste des mythologies. Ah, bien sûr, on pouvait aussi penser à Marcel Mauss, le père de l'ethnologie française, mais cette année-là. En 1955, donc, Marcel Mauss était occupé en Californie pour l'inauguration de Disneyland, où c'est connu les frangins Marcel et Mickey. Mauss, donc, ont toujours été à l'honneur, tandis qu'à Memphis, Elvis, obèse, c'était un Graceland à lui tout seul. Alors, vous l'avez compris, professeur Rollin, il existe une corrélation... Professeur Rollin, non. J'ai dit Rollin. Alors, vous l'avez compris, professeur Collin, il existe une corrélation évidente entre la publication de Triste Tropique en 1955 et le lancement, la même année, de la carrière d'Elvis Presley. D'ailleurs, ce prénom Elvis, c'est évidemment un hommage appuyé à Claude Lévi-Strauss, qui connaît bien les States, où il s'était réfugié durant le Second Conflit mondial. Ainsi, c'est le structuralisme de Lévi-Strauss qui est le fondement du succès populaire d'Elvis, bien plus que l'amoralisme du colonel Parker. Oh, d'ailleurs, il est bien difficile de ne pas être frappé par les similitudes entre les œuvres parallèles de ces grands mythes, le rocker et l'anthropologue. Par exemple, à l'origine, Don't Be Cruel devait s'intituler... Oh là, je suis une merde ce matin. Non, mais c'est vrai. Par exemple, à l'origine, Don't Be Cruel devait s'intituler Don't Be le Cruel et le Cuit. Et à l'inverse, la thèse de Claude Lévi-Strauss devait avoir pour titre Love Me Tender. Bon, alors là, écoutez, professeur Colin, je ne sais pas pourquoi, au dernier moment, il a changé, il a appelé ça les structures élémentaires de la parenté. Ainsi, la parenté entre Elvis et Lévi-Strauss est évidente, bien que le King nous ait quittés à l'âge de 42 ans et que Claude Lévi-Strauss ait aujourd'hui 100 ans, et comme quoi révolutionner la perception de l'homme permet de vivre vieux. Mais attention, hein, ça coûte cher à la sécu. Voilà sans doute pourquoi, en ce moment, le gouvernement cherche à casser la recherche universitaire en sciences sociales. C'est pour boucher le « love me tender, love me true » de la sécu. Et la lecture attentive de Lévi-Strauss a conduit Elvis Presley, par son structuralisme à strass et à franges, à mettre à l'honneur la musique des Noirs. Mais le vice dans tout ça, c'est peut-être d'avoir oublié un peu trop souvent de citer ses sources. Et c'est sans doute pourquoi les liens se sont distendus entre Claude Lévi-Strauss, ce chêne centenaire, et Elvis Presley qui se déchaîne sans limite. Et puis surtout dans les 60s, en short, à Hawaï, Elvis n'avait plus sur les mollets la protection d'un Lévi-Strauss et donc les moustiques, ces tristes tropiques, le King. Excellent, professeur Bauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Troubles de la personnalité et délires paranoïaques évidents. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales que cherche à dissimuler notre patient entre le panache et le vice. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! En 1964, ce fut l'hymne novice du roi Elvis, déjà beaucoup moins novice. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, afin de mieux saisir la psychologie profonde de notre patient, il faut s'intéresser à un épisode sombre et méconnu dans la vie du King. Vois-tu, lorsque tu vas à Memphis et que tu visites la baraque d'Elvis, il y a là toutes les sépultures de la famille Presley. Vernon, le daron, Gladys, la matrice, celle d'Elvis, bien sûr, et une plaque, juste une plaque mortuaire, sur laquelle est inscrite le nom suivant, Jesse Garon Presley. Qui est-ce, me diras-tu ? Eh bien, c'est le frère jumeau d'Elvis, soi-disant mort-né. Pourquoi soi-disant ? Nous allons y revenir. Mais du coup, tu comprends aisément qu'il faut relire tout le psychisme du King à la lumière de cette gémellité contrariée. Alors, certes, les biographies officielles nous affirment toutes que Jesse Garon est mort-né le 8 janvier 1935. Oui, sauf que le ministère psychique a trifouillé le dossier et voici pour toi sa véritable histoire. En gros, au mi-temps des années 30, les parents d'Elvis, ouvriers manutentionnaires, s'embourbaient dans d'immenses difficultés financières. Et voilà tipa que Gladys Presley accouche de jumeaux, d'un coup deux bouches à nourrir en plus. Ce fut l'enfer pour les parents d'Elvis et de Jesse. C'est alors qu'un riche industriel français s'est pointé dans le Mississippi afin de leur faire une proposition pour l'un des jumeaux, en l'occurrence Jesse. Et si on vous en débarrassait ? C'est que je l'adore, moi, cet enfant. Je m'en suis aperçu. C'est vrai que nous ne sommes pas riches, mais il faut bien faire quelque chose pour le bon Dieu. Ma femme est vive, mais elle aussi, elle l'adore. Non, voyez-vous, je ne peux pas consentir. Elle nous ferait faute. J'ai besoin que ça babille dans la maison. Ou alors, c'est 1500 francs. Oui, réellement, au bord du gouffre, les parents d'Elvis auraient alors décidé la mort dans l'âme pour 1500 boules de vendre Jesse dès sa naissance à une famille française. Incroyable, n'est-ce pas ? Mais durant toute son enfance, Elvis ignorait cette réalité. Pour lui, son frère jumeau était mort, quand soudain, en 1955, à l'âge de 20 ans, un soir d'été, Elvis aurait appris la vérité. Oui, Jesse Garon serait en vie, en France, probablement. Traumatisé et rongé par la culpabilité d'être celui qui n'avait pas été vendu, immédiatement, Elvis décida d'essayer de retrouver son frère jumeau. C'est pourquoi d'ailleurs, il demanda à faire son service militaire en Allemagne, puisqu'en France, il n'y avait aucune base américaine, puisque le grand Charles, souviens-toi, avait refusé à raison les bases de l'OTAN. Ainsi, dès sa première permission, en janvier 1960, le soldat Presley se précipita donc à Paris à la recherche de son jumeau Jesse Garon. Et figure-toi que dans le taxi qui le conduisait au Prince de Galles, l'hôtel où il était descendu, Elvis fut surpris d'entendre à la radio l'interview d'un type bizarre. Radioscopie. Radioscopie. Didier Lambrouille. Jacques Chancel. Comédien, tragédien ou plus humblement, simplement acteur. Au départ, moi, je suis fan de Dick. Faut que je te le dise. Je suis fan de Dick. Plus grand fan de Dick du monde. Après Dick lui-même, bien sûr. Vous êtes un professionnel, un pro, comme l'on dit, mais vous avez beaucoup de tendresse pour les amateurs. Ben attends, c'est ce qu'on va voir, ça. C'est une image. Hé, hey, une meuf me cause comme ça, moi, elle a pas besoin de rimmel pendant deux mois, hein. Mais vous n'avez pas changé. Toujours la même émotion lorsque vous savez qu'il y a des choses à dire. Votre rassemblement de tapettes, là, je vais venir y mettre de l'ambiance, moi. Le socialisme existe-t-il quelque part? Et toutes les petites tapettes qui ont voté contre, là, je sais où vous habitez. Mais je suis persuadé, parce que je vous connais bien d'abord, je suis persuadé qu'il y a quelque part des endroits où l'on peut frapper, où l'on peut faire mal. Où peut-on vous faire mal? Je vais te dire, gaulé comme t'es, tu provoques des mecs, j'espère que Dieu, il est avec toi, hein. Vous avez des coups de cœur, il y en a des maths, puis vous avez des coups de colère, alors là, vous partez. Vous êtes tout à fait prêt à vous battre. Oh putain, tu veux une claque, t'as? Et ça pourrait même faire mal. Moi, c'est la gueule que je vais te customiser. Quand j'aurai fini avec ton cul, t'auras plus une seule pièce d'origine. Je sentais qu'il y avait une déchirure quelque part. Mais à quoi tu joues, t'as? D'ailleurs, nous sommes pleins de déchirures. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Vous serez capable de vous battre un jour, de prendre les armes? À partir de maintenant, je suis votre pire cauchemar! Vous avez toujours été exigeant avec vous-même. Ah bon, love me tender, salut! Oui, instinctivement, Elvis n'eut aucun doute. Didier Lambrouille était assurément Jesse Garonne, son jumeau. Très vite, Elvis mit la main sur son frère à Paris et les retrouvailles furent très émouvantes. L'un comme l'autre avait mille choses à se raconter, tu t'en doutes. Et là, tiens-toi bien. Alors qu'ils avaient été séparés dès leur naissance, Elvis et Jesse, tels de vrais jumeaux, avaient strictement vécu les mêmes choses. Au hasard, prenons l'année 1956, par exemple. En mars, dans une boutique de Vegas, Elvis avait craqué pour une paire de pompes en daim. Eh ben, Jesse Garonne à Paris, pareil. Un pour la frime, deux pour le fric. Regarde où tu mets les pieds, où c'est la panique, mon petit vieux. Touche pas à mes pompes bleues. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu touches pas à mes pompes en daim bleu. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Incroyable. Bon, c'est sûr, Elvis savait mieux raconter les histoires que Jesse, hein, un peu plus classe, quoi. Mais bon, poursuivons l'année 1956, et au mois d'octobre, bordel, alors qu'ils ne s'étaient jamais revus depuis la naissance, les deux jumeaux, Elvis et Jesse, se sont fait plaquer par leur nana au même moment. Depuis que tu m'as quitté, ma vie est monotone, tu sais où me trouver, je t'en prie, téléphone. Sois pas cruel, ce cœur est à toi. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Oui, la carrière d'Elvis fut intimement liée à sa gémellité contrariée. Certes, à travers ses chansons, Elvis, comme bien d'autres, nous a raconté sa vie, mais aussi celle de son frère jumeau disparu, tout ça inconsciemment, bien sûr. Et là, je te vois venir, canaille. Tu te dis, ok, mais alors pourquoi est-ce qu'en France, Jesse Garonne n'est pas devenue une star mondiale comme son frère Elvis ? Ah ben ça, faut lui demander à Didier Lambrouille, là. On était trop nombreux sur le marché du rock. Alors j'ai fait autre chose. J'ai eu un bar dans les années 60, un sex shop dans les années 70. Et en 82, j'ai ouvert le premier vidéoclub de la région. Le Las Vegas Video, ça s'appelait. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. J'ai jamais été une star de la chanson. Et je n'ai jamais vendu un disque. Voilà. Grâce au ministère psychique, désormais tu sais tout, Jesse Garonne, le frère jumeau d'Elvis, fut lui aussi le prince de Las Vegas, enfin du vidéoclub de Bourg-la-Reine, quoi, car jamais il n'a souhaité tirer profit de la notoriété de son frère. Quant à Elvis, pour protéger la mémoire de ses parents défunts, il n'a jamais dévoilé, bien sûr, la véritable histoire de son frère jumeau vendu. Mais découvrons dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelles furent les conséquences psychologiques chez Elvis 10 ans après ce violent traumatisme des retrouvailles avec ce frère jumeau qu'il pensait mort. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les troubles psychiques de notre patient. L'interne, pointez-vous au labo. Allez, hop, démonstration. Las Vegas, 1973. Elvis enchaîne les concerts au Hilton International Hotel. Alors que le King connaît ses plus belles années de gloire, Elvis, qui ne se remet pas de son divorce, commence à délirer sérieusement. Il faut lire tous les bouquins écrits sur Elvis Presley, par ses gardes du corps, par ses secrétaires, par sa cuisinière et par sa femme, parce qu'on y apprend qu'en fait, c'est un type un petit peu dérangé dans sa tête, à la fin de sa vie, complètement paranoïaque. Elle doit faire un rapport sur moi, qui me concerne personnellement. Vous croyez ? J'en suis pas sûr encore. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas absolument d'accord avec tout ce que je fais. J'éclaircirai tout cela et je ferai ce qu'il faudra. Elvis se sent traqué. Par qui ? Pourquoi ? L'espionné va alors devenir l'espion. Comme tout bon paranoïaque, Elvis se méfie d'abord de son entourage. Son dernier tournage remontant à 4 ans déjà, Elvis suit la piste du réseau professionnel et suspecte d'abord son impresario, le colonel Parker. Apparemment, le seul rôle que vous aimeriez me voir tenir, c'est celui du mort. Je serais curieux de savoir quelle forme imprévue d'assassinat est au programme. Allez-vous me précipiter dans de l'acier en fusion ou deviendrai-je partie intégrante d'un gratte-ciel ? Vous a-t-on jamais dit que vous étiez très mauvais comédien et que vous en faisiez un peu trop, croyez-moi. Passez moins de temps à étudier les secrets du contre-espionnage et fréquentez un peu plus les cours d'art dramatique. Sur ces bons conseils, Elvis se rend compte qu'il n'a pas encore le profil du parfait agent secret. Du coup, il demande à son garde du corps, Jerry Schilling, de lui dégoter le meilleur matériel d'espionnage. Mais tout en restant rock'n'roll, bien sûr. Et on passe maintenant aux modifications apportées à l'Aston Martin. Ah oui, j'ai hâte de découvrir ça. Alors, je vous ai mis des suspensions californiennes hein, à la sauce West Coast. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Bon, là, j'ai fait mettre un klaxon. Bon, maintenant, jetons un petit coup d'œil à la sono. Ouais, c'est bon, papy, reste tranquille, t'as craqué ou quoi ? Oh putain, continue comme ça, tu vas en avoir ta rousse. Bon, c'est vrai. Niveau assiduité, Elvis, c'était pas trop ça. Et du coup, ben, quand il se déplace avec son infirmière Marie Coke, Elvis, c'est pas vraiment le king de la perspicacité quand il se sent suivi. Curieux, oui, curieux. Vous voyez l'automobile derrière moi ? Ouais. Ça fait un petit moment que j'observe. Eh bien ? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Elvis semble s'égarer. Il manque un peu de flair, c'est clair. Mais heureusement, c'est son fidèle coiffeur Larry Geller qui va tenter de lui expliquer les raisons de son sentiment de persécution. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Sais-tu exactement de quoi je parle ? Non, apparemment, Elvis ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Surtout qu'en cette période de guerre froide, il était à mille lieues d'imaginer que c'était pour son côté trop chaud qu'on le harcelait. Dis, petit, montre-moi ce mouvement de jambe que tu faisais. Do it, Nacho Boy! Mais putain, c'est sale! C'est pas un spectacle pour les enfants. That's the radio. Thank you, Mr. Taylor. Bien! Le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne authentiquement déjanté du ministère psychique pour son point de vue éclairé sur la paranoïa du King au cœur des années 70. Cela dit, n'oublie jamais qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir le destin d'Elvis Presley. Tiens, regarde Pascal Sevran, par exemple. Combien il aurait aimé être Elvis ? Mais bon... J'ai toujours eu l'impression, enfin c'est difficile à formuler, mais je crois que vous n'avez jamais été obsédé par l'envie d'être une superstar. Vous n'avez pas été dévoré par cette ambition, non, non. Vous avez juste laissé faire, laissé les choses suivre leur cours. Ouais, bah faut dire que quand mon disque est sorti dans les années 50, ça a fait du bruit, hein, ça démarrait. Puis bon, et puis après on sent des ailes, on veut viser plus haut, devenir star, on veut être comme un tel, tout ça. C'est pas venu, bon, mais tant pis, maintenant, avec les croisières ça marche bien, je fais des shows, je m'éclate. Je me sens bien, ça arrive et je sens que c'est le bon moment. Alors maintenant, après avoir essayé de mieux comprendre la face obscure du psychisme d'Elvis Presley, entre gémellité contrariée et paranoïa aiguë, passons dès maintenant à l'étude pseudo-psychanalytique de la propagation contemporaine des syndromes du King. Car là, franchement, question survivance d'Elvis, on a eu le droit à toutes les théories, y compris les plus débiles. Alors, primo, comme d'habitude, nous avons cherché à savoir où se planquent réellement les dérivés psychotiques hérités de notre formidable patient mythique. Et, comme tu le sais désormais, nous avons donc soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les résonances des troubles psychiques d'Elvis Presley dans nos actualités quotidiennes. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons comment les névroses du King résonnent plus que jamais dans notre monde du présent. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je vais essayer de vous tirer d'affaire. Je représenterai pour vous l'image de votre père. Il faut que vous me considériez exactement comme tel. Appuyez-vous sur moi. Presley et les femmes, il y a sa mère. Un gamin très introverti, très protégé par sa mère. Il faut dire que le père est absent. J'ai la ferme volonté d'empoigner ce problème à bras le corps. Ta maman était très inquiète pour toi, tu sais. Je l'ai là, chevillé au corps, parce que je sais, au fond de moi, en tant que mère... Oh mon Dieu, mon petit bébé, oh mon ange. C'était un fils modèle, fils unique, surcouvé par une mère qui en même temps était très autoritaire avec lui. Je veux, pour tous les enfants qui naissent et qui grandissent en France, ce que j'ai voulu pour mes propres enfants. Je vais te guérir, mon bébé. Lève-toi, viens, on s'en va. Oui, ça y est. Ça a donné un enfant qui était incroyablement dépendant de sa mère et en même temps de toute forme d'autorité. Eh bien voyons, vous allez me dire ce qui vous vient à l'esprit, une idée quelconque, si vague soit-elle, tout ce que vous voudrez. Ma veste en peau de serpent. Je t'ai jamais dit que cette veste, elle symbolise ma personnalité et ma passion pour la liberté. Vous êtes dans l'opposition, Dominique de Villepin ? Non, je suis dans une majorité, dans un pays où il n'y a plus d'opposition. En réalité, on l'a vu comme un rebelle alors que c'était quelqu'un qui proposait quelque chose de différent. Moi, j'ai été dans un gouvernement où Nicolas Sarkozy n'a pas arrêté d'expliquer qu'il fallait animer le débat. Tu pensais à quelque chose ? Et aujourd'hui, je suis celui qui remplit le rôle de conscience et d'aiguillon d'une majorité qui ne doit pas s'endormir sur ses lauriers. La façon dont ta tête fonctionne, ça, c'est un des mystères du bon Dieu. L'homme s'obstine fréquemment à ignorer la vérité sur lui-même parce qu'il pense que cette connaissance peut faire de lui un malade. Pour tenir le coup, encore une fois, il va se prendre plein de cachets, plein de drogues. Les patients et les mutuelles ont déjà beaucoup donné. Forfait de 1 euro par consultation, franchise de 50 centimes d'euros par boîte de médicaments. Alors il se rend bien plus malade encore. Des amphétamines, et puis il en prenait tellement qu'il ne pouvait pas dormir le soir, donc il prenait des somnifères. Un évident problème d'inégalité, car tous les Français n'ont pas une bonne mutuelle, ça coûte cher, et 8% d'entre eux n'ont même pas de complémentaire. Et je sais un truc, c'est qu'il y a des mauvaises pensées dans l'air, et ça c'est assez inquiétant. Certes, toutes ces mauvaises pensées sont assez inquiétantes, mais tout autant, à notre avis, que les éléments qui vont suivre. Car vois-tu, le ministère psychique a souhaité ce matin approfondir ses recherches sur les persistances d'Elvis après sa mort. Attention, il n'est pas question de résoudre ici ce foutu mystère qui consisterait à prouver qu'Elvis est toujours en vie. Non, tu arrêtes les conneries, Elvis est mort, point barre, et aujourd'hui, il ne doit pas en rester grand-chose. En revanche, depuis 30 ans, l'esprit du King réapparaît régulièrement. Ainsi, nous avons essayé de classifier les différents types d'apparitions d'Elvis. Alors, la première catégorie, que nous avons appelée les gros déglingos, et qui se manifeste tout aussi bien à Toronto qu'à Dublin ou encore en Italie dans les Abruzzes. On va terminer ce journal en musique avec Elvis Presley, mais un Presley un peu particulier, il nous vient d'Italie, et c'est Maurice Olivari et Henri Dreyfus qui lui donnent sa chance. Don Antonio, ce mois-ci, officie dans un petit village des Abruzzes, 60 habitants et ce matin, 17 fidèles. Mais pour l'instant, pas question d'Elvis Presley. Prima il dovere, poi d'abord le devoir, le plaisir après. Et effectivement, rien pour l'instant ne laisse deviner la vocation de rocker, si ce n'est cette mèche rebelle qu'il a l'habitude de ranger à tout bout de champ d'un petit coup de tête. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Une demi-heure plus tard donc, dans son appartement, Don Antonio plonge dans un autre style de garde-robe. J'ai d'abord été un passionné d'Elvis, avant de découvrir plus tard ma vocation religieuse. Si un jour je me rends compte que cette passion pour Elvis est incompatible avec mon sacerdoce, je n'hésiterai pas, je sacrifierai Elvis. Des voix se sont bien élevées dans la hiérarchie catholique pour demander à Don Antonio de se calmer. Mais pour l'instant, le prêtre, en son âme et conscience, continue de chanter. Oui, bon ben là, il n'y a rien à faire. On avait déjà les sosies schizophrènes à 3 balles dans les chapelles de Vegas. Et ben maintenant, voilà le curé italien avec rouflaquette et paillettes, tout fout le camp. Encore que Benoît XVI en Elvis, moi je veux bien voir. J'ai pris une dose de whisky. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Enfin bref. Ensuite, attention, ultime catégorie des apparitions d'Elvis, toujours selon les critères psychanalytiques du ministère psychique, découvrons donc ce que nous avons appelé les deux illuminés. Alors là, c'est du costaud, c'est du lourd, mais je te préviens, c'est irrécupérable. George Bush, lui, a rendu hommage à Nicolas Sarkozy à sa manière. Il a comparé sa récente visite aux États-Unis à la dernière incarnation d'Elvis Presley. Fin de citation. En vérité, je vous le dis, c'est moi le roi, le king. I am the king of bling bling, ok ? Même eux, ils le disent. Hein ? Même moi, je le dis. Oui, bon, que dire ? Eh bien, rien. C'est consternant. D'ailleurs, intéressons-nous plutôt à une catégorie hors classification des apparitions d'Elvis depuis sa mort, à savoir les internés du ministère psychique qui ont leur propre névrose presleyenne. Du coup, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre ce petit présent. Ainsi, découvrons l'origine de son mimétisme vestimentaire, encore une fois, c'est totalement lunaire, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien, Elvis. Tout petit déjà, j'étais à ton service. T'étais mon idole, avec ta veste blanche à franges. Je t'imitais devant la glace de ma grange. Je dansais avec ton déhanché. Ouh, yeah. Oh, j'aurais aimé, Elvis, que tu me visses. Je m'étais fait un t-shirt à franges avec des ciseaux. C'est vrai, je ressemblais plus à Robinson Crusoe qu'à Elvis Presley. Mais bon, j'avais déjà Elvis dans la peau. Et aujourd'hui, ici à l'hosto, j'ai amélioré mon style de fana. J'ai passé mon pyjama dans la déchiqueteuse à papier. Ça fait des franges bien droites et serrées. Et dans les couloirs, y a que des admirateurs qui disent: tiens, voilà Elvis, le trappeur. Ouais, vive les franges. Les franges, c'est mon challenge. Et d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire, Elvis? Je vais passer les draps de lit dans la déchiqueteuse. Bah oui, ça fera des draps à franges. Et comme ça, je pourrai les vendre. À qui? Ben, aux putains franges, pardi. Ah. In me. A little more pride, a little less fun, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. I'm Conversation, sublime conversation entre JXN et Elvis Presley en 2002, et il n'y a jamais trop de blabla comme celui-là. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Durant cette séance, le ministère psychique a constaté à quel point les dérives de M. Elvis Presley restent un danger pour notre société, puisque l'on a tout dit sur lui, mégalo, parano, hors de la réalité, il aurait piqué la musique des Blacks sans en rendre la monnaie. Soit, mais grâce à lui, cette musique a un peu changé le monde. Et puis, Elvis, durant sa courte existence, a tout de même largement soutenu l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, quand l'authentique King français, lui, a su soutenir la note. Mexico, Mexico. Inutile de leur parler du phénomène Presley, les pèlerins d'Arkang au Pays Basque savent bien qu'il n'y a qu'un seul prince, Luis Mariano. 10 ans après sa mort, les fidèles défilent toujours devant la tombe du chanteur de Mexico et s'arrachent ses reliques. Luis Mariano est mort dans la nuit du 14 au 15 juillet 1970. Bon fils, bon frère, bon camarade, à tout jamais célibataire, Luis Mariano a provoqué en France une furia émotionnelle comparable à celle suscitée aux États-Unis par Presley. Ouais, Luis Mariano en chanteur excité, c'est un peu Elvis Presley en chanteur de Mexico. Improbable. Le ministère psychique décide donc, après mûre réflexion, qu'il serait trop facile de condamner Elvis par contumace, puisqu'on ne sait toujours pas où il se planque. Alors bien sûr... Allez hop, dehors Elvis Presley. Mais pas trop fort, hein. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais... Qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 13e consultation déhanchée du ministère psychique consacrée ce matin au mythique Elvis. Alors Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Julien Dumont. Merci beaucoup, c'était très très bien Monsieur Dumont. Mais aussi merci beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast et Cyril Baer pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, le ministère psychique enquête à la loupe sur le cas de Sherlock Holmes. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace, sa nouvelle version. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer pour La Prochaine Fois Je Vous Le Chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?